Nous abordons maintenant un nouveau grand thème du programme de philosophie, le thème du sujet, auquel seront associées des notions telles que celles de conscience ou celles d'inconscient. Alors, le sujet, c'est un des objets privilégiés de la réflexion philosophique, mais il va s'agir d'abord d'éclaircir un petit peu la signification de ce terme, parce qu'il est un petit peu équivoque. On peut le comprendre au moins de deux grandes façons différentes. Le sujet comme sujet du discours, ou bien le sujet réel. Alors, dans la suite du cours, on s'intéressera surtout au sujet réel, hein, c'est-à-dire le sujet humain, en fait, l'être humain, c'est ça que va désigner le sujet humain, c'est l'être humain en tant qu'être pensant, en tant qu'être conscient. Mais afin d'éviter des confusions, notamment avec la façon dont le terme de sujet est employé en français, en grammaire. Nous allons dans un premier temps bien rappeler la distinction entre sujet du discours et sujet réel afin qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, d'abord, le sujet du discours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avant d'aborder le sujet réel, le sujet du discours, ça désigne l'élément sur lequel porte un énoncé. Élément qui peut être abordé de deux points de vue. Le point de vue grammatical et ou bien le point de vue logique. Alors, la grammaire, c'est l'étude des règles de la langue, hein, ce qui a été étudié en français, hein, pendant toute la scolarité, hein, depuis le primaire en fait. Bon, alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est que le sujet grammatical? Ben, ça correspond à une fonction syntaxique. C'est-à-dire, c'est un rôle que remplit un mot dans une phrase. Le sujet grammatical désigne dans une phrase le terme qui accomplit l'action et auquel le verbe s'applique. Par exemple, dans la phrase je marche dans la rue, le sujet c'est je, hein. La phrase le chat mange la souris, bon, bah, c'est le chat, c'est le sujet. Donc c'est bien le terme qui désigne celui qui agit, celui sur lequel porte la phrase. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les règles grammaticales varient d'une langue à l'autre, et donc que le sujet n'est pas exprimé de la même façon d'une langue à l'autre. Par exemple, l'ordre des thèmes peut varier. Alors, c'est vrai que la majorité des langues, elles ont une structure qu'on appelle SVO, hein, sujet, verbe, objet, ou SOV, sujet, objet, verbe. Voilà, par exemple, le français, bah, c'est une langue SVO. Hein, le chat mange la souris. Bon, c'est aussi le cas de beaucoup d'autres langues indo-européennes, comme l'anglais ou l'espagnol. Bon, voilà, il existe beaucoup de langues qui ont cette structure-là, mais on peut aussi remarquer qu'il existe aussi des langues qui vont être SOV, hein, c'est beaucoup de langues qui ont cette structure-là, c'est-à-dire le sujet est aussi au début de la phrase, mais c'est ensuite objet et le verbe est à la fin. Et il existe aussi des langues un peu plus rare, mais dans lesquels le sujet est placé au milieu, voire à la fin de la phrase. Donc, ce n'est pas la structure grammaticale que nous connaissons n'est pas applicable à toutes les langues. En outre, il existe certaines langues dans lesquelles qui vont pratiquer l'ellipse du sujet, c'est-à-dire que le sujet ne va pas être exprimé directement, il va être indiqué de façon indirecte par la forme verbale, etc. On peut trouver de très grandes variétés. Donc, il ne faut pas prendre notre structure grammaticale comme une référence en général sur ce que c'est que le sujet grammatical. Le sujet grammatical en français, c'est une certaine façon d'exprimer le terme portant l'action dans une phrase, mais il y a d'autres façons de le faire. Donc c'est pour ça qu'on va distinguer le sujet grammatical du sujet logique. Alors qu'est-ce que c'est que la logique? La logique, ça désigne l'étude des règles de la pensée. Alors, c'est vrai qu'on a parfois tendance à confondre les règles logiques avec les règles grammaticales, car en fait, nous pensons toujours dans une langue. Hein, c'est-à-dire que nos idées, elles sont toujours élaborées et exprimées dans une langue particulière. Voilà, quand je pense en français, ou bien, bon, j'ai appris une autre langue, bah, je ne sais pas, je vais penser en anglais, mais je ne peux pas penser en dehors d'une langue. C'est-à-dire que toutes mes pensées, elles sont toujours exprimées par des phrases. Nos idées vont ainsi être élaborées et manifestées dans une langue particulière, celle que j'utilise à un moment donné pour penser et parler. Mais en fait, ce que la logique cherche à étudier, ce sont des règles de pensée cohérentes qui, elles, sont indépendantes de la langue que j'utilise. Et donc, l'idée, c'est que si on traduit un énoncé d'une langue à une autre, les règles grammaticales vont changer, mais la structure logique, elle va rester identique. Hein, c'est-à-dire le rapport entre les éléments de la phrase, lui doit rester le même, même si l'ordre, par exemple, l'ordre syntaxique va changer. Voilà, on a vu, certaines langues peuvent être de type SVO, sujet, verbe, objet, d'autres vont être OVS, par exemple, voilà, objet, verbe, sujet, hein, c'est possible. Donc la structure grammaticale change, mais la structure logique, l'idée exprimée par la phrase, elle doit être la même. Et donc, afin de bien distinguer logique et grammaire, ce qu'on a fait, en particulier depuis le 19e siècle, c'est la logique s'est de plus en plus appuyée sur les mathématiques. Et la logique mathématique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise des symboles pour représenter les relations logiques entre les éléments du discours. Bon, et donc, le sujet logique, qu'est-ce que ça désigne? Bon, c'est vrai que ça semble être un peu la même chose qu'en grammaire. Le sujet logique, ça désigne le terme auquel on attribue une propriété dans une proposition. Le sujet, c'est donc ce sur quoi porte le discours. Dans un énoncé, le sujet est le terme auquel se rapportent les autres termes. C'est ce à quoi on va attribuer un prédicat. Voilà, le sujet, c'est ce sur quoi porte la proposition. Le prédicat, c'est les propriétés que dans la proposition, nous attribuons à ce sujet. Mais sachant que le sujet, lui, on peut lui attribuer un prédicat, mais il ne peut pas être lui-même prédiquer d'autres choses. Je vais donner un exemple. Voilà, on peut dire, on peut prendre l'énoncé Paul est chauve. Ben, qu'est-ce que c'est? On a Paul, c'est donc le sujet de la proposition. Être chauve, c'est le prédicat que l'on applique à Paul. Mais en revanche, on ne peut pas dire Pierre et Paul, ça n'a aucun sens. On ne peut pas attribuer un sujet à un autre sujet. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et alors là, on ne voit pas bien la différence avec le sujet grammatical. Bah, c'est pour ça qu'on va employer la logique mathématique. En logique mathématique, on dira que le rapport entre un sujet et son prédicat, ça va être exprimé par une fonction. En fait, le prédicat, c'est une fonction qui est attribuée ou bien à une constante lorsque le sujet de la proposition est défini, ou à une variable lorsque le sujet de la proposition est indéfini. Prenons un exemple, voilà, l'énoncé Paul est chauve, là nous avons un sujet défini, mais on va exprimer ça par la formule C de P, hein, C c'est la fonction attribuée à donc C chauve, être chauve, et c'est la fonction attribuée à la constante P, donc P qui renvoie à Paul. Mais en revanche, si on avait un sujet indéfini, comme dans l'énoncé un homme est chauve, bon, ben on l'exprimera par la formule suivante, on dira la formule sgib, donc c'est le E renversé qui veut dire il existe, on dira il existe un x tel que x et c, donc x a la propriété d'être chauve. Voilà. C'est comme ça qu'on formulera en logique mathématique le rapport entre les éléments. Donc bien l'idée d'avoir reformulé ça de cette façon, avec des symboles, eh ben c'est de montrer que la structure logique entre les éléments, donc le rapport entre le sujet et le prédicat, ben c'est pas une question de grammaire. Hein, voilà. Même si on avait une langue dans laquelle ce serait formulé différemment du français, j'ai pas d'exemple à vous donner parce que les langues que je connais auront la même structure qu'en français, des langues SVO. Mais comme il existe aussi des langues qui ont une autre structure grammaticale très différente, qui vont être voilà, OVS, VOS, hein, c'est-à-dire on va commencer la phrase par le verbe, on va commencer par la phrase par l'objet et on terminera par le sujet. Bon, bah, dans ces langues-là, dans lesquelles l'énoncé sera formulé très différemment, eh ben, pour autant, la structure logique, c'est-à-dire le rapport C de P, hein, Paul a la propriété d'être chauve, et bien ça, cette structure logique, elle est la même quelle que soit la langue utilisée.